privilège d'être au ciel ouvert. Merci pour les œuvres de l'Esprit. Merci pour l'œuvre de ta parole dans nos cœurs qui prépare les œuvres de l'Esprit. Merci, ô Dieu, pour ton Saint-Esprit. Et merci, ô Dieu, pour tes anges qui exercent un ministère ce soir auprès de chacun de nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que tu trônes en ces lieux. Ô Dieu, que ton ciel s'ouvre et que tu libères tous les phénomènes nécessaires ou quel que ce soit. Libère l'œuvre de ta main. Libère l'œuvre de la guérison. Libère l'œuvre de ta connaissance. Libère l'œuvre de la transformation. Libère l'œuvre de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans la joie dans ce soir? Est-ce que tu es dans la joie? Nous remercions la chorale pour nous conduire. Nous remercions les modérateurs et tout le monde. Et nous te remercions d'avoir été là et d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Je prie que Dieu nous aide à finir ce point sur l'obéissance. Naomba Mungu atusaidie kumaliza nukta hii juu ya utiivu. J'espère que ta désobéissance ne va pas nous forcer ou forcer Dieu à nous contraindre de rester encore là. Natumaini ya kwamba uasi haitaacha tunabakia hapo. Parce que vous savez, sababu mnajua, je vous ai dit Dieu est en train d'aller avec nous pas à pas. Niliwaambia kwamba Mungu iko naenda pamoja nasi hatua kwa hatua. Au fur et à mesure que nous comprenons, zaidi tunapoelewa, il nous fait avancer. Anatufanya kwamba tusonge mbele. Donc si nous ne comprenons pas, ni kusema kama hatuelewi, risque de nous faire traîner longtemps sur un sujet. Anaweza kutukawisha siku nyingi juu ya mada moja. Mais si nous commençons déjà à obéir, à nous exercer à l'obéissance, lakini kama tunaanza kujizoelesha kutii, il va mettre le feu que il est natosha. Atakubali ya kwamba sasa sifio on peut continuer. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hier, nous avons commencé de parler de la première difficulté qui entraîne ou garde les gens dans la désobéissance. Jana tulianza kuzungumzia juu ya shida ya kwanza ambayo unachunga watu ndani ya uasi. Je crois que c'était depuis le samedi. Ikiwaza ilikuwa ni tangu siku ya sita. Ou vendredi. Ama siku ya tano. Et ça fait beaucoup de jours. Hein? Nakuwa siku nyingi. L'obéissance. Utivu. En fait, que le Saint-Esprit a raison. Roho Mtakatifu ana sababu. Parce que c'est ça qui a mis l'univers, le monde, l'humanité à genoux. Sababu hii ndio imepigisha ulimwengu magoti. Vous voyez? Non. Tout ce que vous voyez comme mal. Yote mnayoona kama vile mabaya. Sur cette terre-là. Hapa duniani hapa. A été engendré par la désobéissance. Imezaliwa na uasi. Donc, c'est important. Ni muhimu. C'est important. Ni muhimu. Alors nous avons vu comme premier facteur tuliona kitu cha kwanza qui nous entretient dans la désobéissance. Ambacho kinatuongoza ndani ya uasi. Nous avons vu l'amour propre. Tuliona upendo wa binafsi. Et la promotion essentielle du moi. Na kuinua kiujinga ya umimi. La promotion est censée du moi. Kuinua kiujinga ya umimi. Le moi n'est pas un péché. Umimi sio zambi. Parce que le moi c'est moi, c'est toi. Sababu mimi ni wewe. Donc tu n'es pas un péché. Wewe sio zambi. Tu n'es pas désobéissance. Wewe si uasi. Mais c'est la manière dont tu fais promouvoir ton moi. Lakini ni namna ambao unakomalisha ile umekuwa. Qui est un problème. Ndio inakuwa shida. Et nous avons vu largement des choses à ce sujet. Na tuliona mambo mengi kufuatana na mada hiyo. Ce soir, je prends le deuxième point. Jioni leo nachukua nukta ya pili. Ignorer ta source dans tes choix et décisions. Ni kusahau chemchemu yako ndani ya uchaguzi wako na maamuzi yako. Les uns wamoja sont conservés dans la désobéissance wanalindwa ndani ya uasi par leur moi géant kupitia umimi wao ambao ni kubwa. Mais d'autres lakini wengine sont conservés dans la désobéissance wanalindwa ndani ya uasi par le fait d'ignorer leurs sources kupitia kusahau chemchemu yao dans les décisions qu'ils prennent ndani ya maamuzi wanaoichukua. Il faut fi de leurs sources wanasahau chemchemu yao. Alors nous prendrons Genèse chapitre 3 verset 4 à 5. Mwanzo on 3, peut même aller à partir du premier verset, Genèse chapitre 3. Mwanzo sura 3, vous connaissez bien le texte. Mnajua andiko vizuri. Bwana sifiwe. Amen. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura 3. Il est écrit. Imeandikwa. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Deux points. Nukta mbili, nyoka kamwambia mwanamke. Dieu a-t-il réellement dit? Je Mungu alisema kweli. Deux points. Nukta mbili. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amutakula miti yote ya bustani. La femme répondit au serpent. Na mwanamke akajibu. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Tunakula matunda ya bustani. Nukta. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Tunakula matunda ya miti ya bustani. Nukta. Mais, lakini, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, juu ya matunda ya mti ulio katikati Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, amtakula de peur que vous ne mouriez. Ili musife. Faites un petit saut en arrière. Mnaweza kurudi nyuma kidogo. Au chapitre précédent, kwa sura ambayo inatangulia. Verset 16. Mstari wa 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Bwana Mungu akapatia mwanaume. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Utakula matunda yote ya bustani. Mais lakini tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hautakula kumuti ya ujuzi wa mema na mabaya. Car le jour tu en mangeras, maana siku utakapokula, tu mourras. Utakufa. On revient. Tunarudi. Verset 4. Shaili la ine. Alors le serpent dit sasa na nyoka kasema à la femme, kwa mwanamke, vous ne mourrez point. Hamutakufa kamwe. Point virgule. Nukta na mkato. Le point virgule signifie explication. Nukta inayofuatana mkato na manisha ni mafasirio. Point virgule. Nukta inayofuatana mkato. Lakini Dieu sait que Mungu anajua ya les jours où vous en mangerez, siku vos yeux s'ouvriront macho yenu et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mukijua mema na mabaya. Retournons encore un peu en arrière. Tunaweza kurudi tena nyuma. Chapitre 1er. Sura moja. Verset 25. Musari wa 25. Verset 26. Musari wa 26. Puis Dieu dit, kisha Mungu kasema, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Quelle est la ressemblance de Dieu? Dieu ressemble à Dieu. Quelle est l'image de Dieu? L'image de Dieu est Dieu. Picha ya Mungu ni Mungu. Satan dit à Ève, vous serez comme des dieux. Mutakuwa kama vile miungu. Verset 6. Shaili la sita. Chapitre 3. La femme vit mwanamke kaona que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de ce fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus et cousis de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures et ils entendirent la voix de l'Éternel qui criait dans le champ. Alléluia. Amen. Alors regardez avec moi les versets 4 et 5. Angalia sasa pamoja nami shaili la 4 na la 5. Le serpent dit à Ève, nyoka kamwambia Eva, à la femme, kwa mwanamke, vous ne mourrez point. Hamutakufa kamwe. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quand est-ce que Ève, tu connais le bien et le mal? Au chapitre précédent, Dieu lui a dit, ça c'est bien et ça c'est mal. Satan vient lui dire, si tu pêches, si tu désobéis, tu auras ce que tu as déjà. Vous voyez la confusion? Allô? Allô? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me captez? Qu'est-ce que le diable insinue dans les oreilles de la femme? Il insinue deux ou trois choses. La première, le diable insinue dans les oreilles de Ève que Dieu ne vous aime pas. Parce que s'il vous aimait, il allait vous livrer les meilleures choses. Il vous aime pas. Il sait que vous pouvez aussi devenir comme des dieux. Mais il vous roule, il vous gère. Ça, c'est la première chose que le diable insinue dans les oreilles de la femme. La deuxième insinuation, c'est que Dieu Mungu n'est pas honnête. Hasemeshe kweli. Votre Dieu là ule Mungu wenu n'est pas honnête. Hasemeshake kweli. Il sait que c'est ça qu'il vous faut. Anajua ya kwamba ni hii ndio nawapasa. Mais il vous dit autre chose. Lakini anakuambia mambo mengine. Troisième chose que le diable insinue. Jambo la tatu ambalo shetani anatafuta kusema. Il veut dire, anatamani kusema, moi je vous aime. Mimi ninawapenda. Je vous dis la vérité. Mimi na wambia kweli. Moi, ce que je vous dis, mimi ninayowambia, vous allez voir. Mutaona. Vous serez comme Dieu. Mutakuwa kama Mungu. Vous serez meilleur. Mutakuwa bora que ce que vous êtes. Kuliko ile ambayo muko. Maintenant, Eve, sasa Eva, tu as suivi les instructions. Umefuata maagizo. Tu as écouté les informations que ton mari avait reçu. Parce que quand vous lisez le verset 18, vous trouvez ceci du chapitre 2, que après que Dieu ait donné des instructions à Adam, il constate que Adam est seul. Et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18. Donc, Ève n'est pas présent lorsque Dieu donnait les instructions à Adam. Comment tu as connu les instructions, Ève? Je suis déjà marié. Mon mari m'a dit que Dieu avait dit. Mon mari m'a même amené. Pour preuve, ce que Ève dit à Satan, elle dit, anasema, ce qui est du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Donc, elle connaît là où l'arbre se situe. Alors qu'au verset 17, quand Dieu parlait à Adam, il lui a dit, mais que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Adam, tu sais là où ça se trouve. Mais il est écrit un peu plus haut de l'arbre de vie que c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Voyez ça au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ève répond, pour ce qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. C'est faux. Dieu a dit, l'arbre la connaissance du bien et du mal, c'est possible qu'elle est aussi parmi les arbres qui sont au milieu. Ça veut dire, Ève, tu n'as pas bien retenu les instructions. Parce que si on t'envoyait Ève à le cueillir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si ton mari t'envoie et dit, va m'amener là le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève, tu vas amener le fruit de l'arbre de vie, parce que c'est cet arbre qui est au milieu. C'est pourquoi mes frères et mes soeurs, nous avons un devoir. Quand nous communiquons la parole de Dieu, vous la communiquez efficacement. La loi de la communication est importante, parce que quand les gens ne comprennent pas bien ce qu'on leur dit, ils vont appliquer n'importe comment. Est-ce que ça va? Je m'en bonne ça. L'arbre qui est au milieu du jardin. Mutiamboko katikati ya bustani. C'est quel arbre? Nimtigani. L'arbre de vie. Nimti wa uzima. Qu'est-ce que tu dis, Eve? Unasema nini, Eve? Dieu a dit, Mungu alisema, que nous pouvons manger de tous les arbres. Tunaweza kula miti yote. Sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est-à-dire l'arbre de vie. Donc déjà Ève, même si on l'a laissé se promener seule sans les serpents, elle allait se retrouver un jour alisha kula ile ya mubaya. Angezikuta siku moja amesha kula tunda mbaya. Parce qu'elle allait respecter l'arbre de vie comme si c'était ça l'arbre dangereux. Je parle l'instruction. On va revenir sur cela dans un de pièges de la désobéissance. Maintenant, regardez mes frères. Ève est tombée simplement pour avoir ignoré ses sources. Alisahau chemchemu yake. Son mari existe dans le jardin. Mume wake anakuwa ndani ya bustani. Dieu le Père existe. Mungu Baba, il le visite régulièrement. Nanawatembelea kila mara. Il est écrit, il vient à la brise du soir. Imeandikwa ya kwamba alikuwa anakuja jioni. Eve. Na Eva. Tu rencontres un serpent qui parle. Je pense que tous les animaux parlaient. Parce qu'il est écrit, les serpents étaient les plus rusés. Mais comment vous savez que le serpent est plus rusé? C'est qu'il y a aussi d'autres animaux qui sont rusés. Et que vous communiquez avec eux pour savoir que pas les ouais, on a fait un ruse. Les serpents étaient les plus rusés. Parmi les animaux qui étaient dans les champs. Donc, Ève, tu as des sources, mais tu ne les consultes pas. Conséquence, désobéissance. uasi. Tu fais les choses qu'on t'a dit de ne pas faire. Unafanya mambo ambayo walikuambia usifanye. Alléluia. Amen. Elle aurait dû se réserver. Angepaswa kwanza kunyamaza. Et dire Satan. Na nasema shetani. J'ai bien suivi. Nimefuata vizuri. Mais donnez-moi une minute. Lakini unipatie kwanza dakika. Mon mari est quelque part là derrière les arbres. Mume wangu yuko pale nyuma ya miti. Je vais le consulter. Naenda kwanza nimuangalie. Écoutez-moi frère sœur. Munisikilize kwanza ndugu. Nous ne sommes pas obligés. Hatushurutishwe. De donner réponse à toute question qui nous est posée. Kujibu kila swali ambalo linaulizwa. Si tu donnes réponse tout de suite. Ama kupana jibu hapo hapo. Si tu n'as pas de réponse. Kama unajibu. Réserve-toi. Sukue kimya. Si la confrontation que tu rencontres kama ile vitu unavyo pambana crée des confusions dans ton esprit, vinaleta mchanganyiko. Prends un peu de temps. Suchukue kwanza muda kidogo. Tu vas désobéir dans la précipitation. Utaasi unapotafuta kufanya mambo kwa haraka. Prends un peu de temps. Chukua kwanza muda kidogo. Quand tu prends un peu de temps, muda kidogo, je vous ai enseigné dans le passé sur mener une vie attentive. Ya kuishi maisha ya ça facilite le discernement, etc. etc. Vous rappelez utambuzi wa roho na kazalika. Quand vous êtes attentif, wakati wewe ni mwangalifu, vous êtes capable de percevoir la confusion dans ce qu'on est en train de vous présenter. Mchanganyiko ndani ya ile ambao wako wanakuonyesha. Quelqu'un te dit 1, 2, 3. Tu te dis, mais attends. Non, attends. J'ai des sources. J'ai des aînés. J'ai des gens qui connaissent bien, qui connaissent mieux cette affaire. Amen. Si tu te précipites dans la vie, à réagir à tout ce qui bouge tout de suite, tu seras anglais à la désobéissance à tout moment. Lorsque la tentation arrive, on fait comment? Est-ce que tu es obligé de répondre à ça tout de suite? Il suffit de prendre un peu de temps. Même les tentations sexuelles, il suffit de prendre un peu de temps. Tu vas constater utagundua que la pression a disparu. Ya kwamba ile vitu vilivyokuwa vinakusukuma vimetoweka. Je parle à un jeune. Je nazungumza na kijana. Prends un peu de temps. Chukua kwanza muda kidogo. Reviens à tes sources. Rudi kwanza kwa chemichemi zako. Et quelles sont nos sources? Na chemichemi zetu ni nani? Dieu. Mungu. La parole. Neno. Vous avez noté? Mandika. Dieu, Mungu, la parole, neno, nos responsables spirituels, wa simamizi wetu wa kiroho. Ce sont nos sources. Wao ndio chemichemi. Nos parents, wazazi wetu. Nos aînés, wakubwa wetu. Ce sont nos sources. Wao ni chemichemi zetu. Ils ont connu les choses avant nous. Wamejua vitu mbele yetu. Ils ont appris ça avant nous. Wamejifunza hiyo mbele yetu. Eve, Eva, ton mari, mume wako, a appris ces choses avant toi. Amejifunza hii mbele yako. Maintenant, quelqu'un vient te poser des questions confuses. Sasa mtu anakuja kukuuliza maswali yenye mchanganyiko. Il te demande des choses qui ne sont pas claires. Anakuuliza mambo ambayo. Il te met dans la confusion. Anakuweka ndani ya mchanganyiko. Tu as appris ça de ton mari. Cherche wako. Là, il est derrière les arbres. Là. Pose-lui la question. Swali. Pose la question. Swali. Réfère-toi à tes sources. Chemichemi zako. Maintenant, faisons une petite référence. Sasa tu angalie kidogo. Avec le premier point que nous avons abordé. Kwa hier. Nukta ya kwanza ambao tulizungumzia jana. Le moi géant. Vous voyez, unona? Les gens qui ont des moi géants auront difficile à se référer à leurs sources. Watakuwa na ugumu kurudi kwenye chemichemi zao, wawaulize. Parce qu'ils ont construit comme seule référence leur moi. Sababu ile ambao wanaangalia ni ile umimi wao tu. Ils se réfèrent à leur moi. Wanaangalia tu ile umimi wao. Ce que son moi lui dit, c'est ça, c'est top. Il aura difficile à considérer qu'il existe d'autres sources. Or, notre source, c'est Dieu. Bwana sifiwe. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? On peut acclamer un peu le Seigneur. Comme ça, c'est bon. Connaître notre source ou se référer à notre source, c'est une chose. Mais bien connaître notre source, c'est une autre chose. Et c'est le troisième aspect que j'essaie de partager dans ce point. Beaucoup de gens ont des sources, mais ils ne connaissent pas bien leurs sources. C'est la connaissance correcte de ta source qui va t'attirer, t'aspirer à te référer à ces sources. Lorsque tu ne connais pas bien ta source, c'est difficile de te référer à ça. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne la connais pas bien. Comment tu vas t'y référer? Tu ne connais pas bien Dieu. Je veux dire, Dieu n'a pas beaucoup d'espace dans ta tête. Disons la tête. Il n'a pas assez d'espace dans ta tête. Mets-toi d'abord de côté dans ton cœur. Dans ta tête d'abord, connaissance. Dieu n'a pas beaucoup d'espace dedans. Comment tu seras poussé à te référer à lui? Namna gani utasukumwa kumuangalia kumtazama? Bwana asifiwe. Amen. Connaître nos sources. Kujua. C'est-à-dire connaître Dieu. Ni kusema kujua Mungu. Connaître la parole. Kujua neno. Connaître nos aînés. Na kujua wakubwa. Connaître nos responsables spirituels. Kujua wasimamizi wetu wa kiroho. C'est pasteur. Mbona unaleta Biblia nyingine? Anaandika wapi asetu kutuanze kuyua ba pasteur yetu ba juwe. Oh pasteur. Baba kie pale. Tu commences à mimi najua tu Biblia. Que le pasteur sana. Najua tu Biblia. Moi je connais seulement la Bible. Connais aussi ton responsable. Jua pia msimamizi wako. Paul dit. Paulo anasema. Soyez mes imitateurs. Munige mimi. Comme je le suis de kama mimi, c'est-à-dire moi-même Paul, ni kusema mimi mwenyewe Paul, je me réfère à ma source. Ninamuiga ule chemchemu yango. Vous, imitez-moi. Référez-vous à moi. Nanyi muni angalie. Moi, je me réfère à ma source. Mimi na angalia chemchemu yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La référence à nos sources kuangalia va nous épargner de la désobéissance. Itacha kwamba hatuasi. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Dans Matthieu chapitre 3. Ndani ya Mathayo sura 3. Verset 1 à 11, c'est l'histoire la tentation de Jésus. Mstari wa kwanza hadi 11 wanazungumzia. Le diable affronte le fils de Dieu. Shetani anaanza. Le diable connaît bien Jésus. Shetani anajua vizuri Yesu. Il sait à qui il a affaire. Na anajua na nani mbele yake. Il affronte et lui pose des questions. Na anamswali. Comment Jésus fait? Yesu anafanya nini? Il se réfère à sa source. Anaangalia kielelezo kwa chemchemu. Et dit à Satan, na namwambia Shetani, il est aussi écrit. Imeandikwa pia. Écrit, c'est-à-dire quoi? Imeandikwa inamaanisha. Les Écritures sont ma source aussi. Maandiko inakuwa chemchemu yangu. Mon père c'est ma source. Baba yangu ni chemchemu. Mais les Écritures c'est ma source. Lakini ni maandiko ni chemchemu. Satan vient contre moi. Shetani unanijia. Avec des phrases. Pamoja na misemo. De ma source. Za chemchemu yangu. Moi aussi. Nami pia. Je viens contre toi. Ninakujia. Avec les phrases. Pamoja na misemo. De ma source. Ya chemchemu yangu. Comment cela arrive à marcher? Parce que Jésus-Christ connaît sa source, la parole. Neno. La dernière tentation, na jaribu la mwisho. Regardez ça, Matthieu chapitre 3. Angalia hii, ndani ya Mathayo sura 3. Jésus balance une réponse merveilleuse. Yesu analeta kabisa jibu nzuri sana. Comme on dirait, Yesu akamu balance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi là en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et te gardera dans toutes tes voies. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ce qui est dans la tête. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable le transporta encore sur une haute montagne, très élevée, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu m'adores. Avant, dans la tentation, le diable essayait d'utiliser des vocabulaires voilés. Mais ici, lakini hapa, il utilise le vocabulaire direct. Anakuwa kitumia sasa masemi ambayo inakuwa kabisa. Anampika ngume mkifua. C'est un coup direct. Anamupiga kabisa mkifua. Il dit tu m'adores. Anamwambia unaniabudu. Que mon créateur, ton créateur t'adore. Mumbaji wako akuabudu. Est-ce que ça peut marcher? À ce moment-là, ule, Jésus répond, Yesu anajibu, retire-toi Satan. Ondoka shetani. Ça aussi, c'est un coup dans le front. Inayo nakuwa kabisa ngumi ndani ya uso. Retire-toi Satan. Ondoka ewe shetani. Car il est écrit, mane meandiko, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Utabudu Bwana tu le serviras wako, lui seul. Na utamtumikia yeye mwenyewe. Vous voyez la conséquence? Unaona matokeo? Alors le diable le laissa. Na sasa shetani akamwacha. Ikuu ya kukichwa. Inakuwa ngumu ya kukichwa. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Lakini nini napitikana? Jésus se réfère à ses sources. Yesu anaangalia chemchemi zake. Avant, mbele, il essayait de se référer à, disons, la deuxième source, les Écritures. Mbele alikuwa na angalia kwa chemchemu ya pili ambayo ni maandiko. Mais dans la dernière épisode, lakini kwa kipindi cha mwisho, Jésus se réfère à sa source lui-même. Yesu anaangalia chemchemu yake yeye mwenyewe. Il se réfère à Dieu. Anaangalia Mungu. Frère sœur, ndugu na dada, certaines fois, mara nyingi, tu vas te référer aux Écritures. Utakuwa unaangalia le diable va insister. Na shetani atatilia mkazo. Réfère-toi à Dieu directement. Angalia Mungu hapo hapo. C'est un coup au front. Inakuwa ni ngumi kwa uso. Tu adoreras l'Éternel lui seul. Utamwabudu Bwana Mungu yeye mwenyewe. Et le diable le quitta. Na shetani akamwacha. Bon, c'est vrai, il se fatigue pas, il est écrit. Il le quitta pour faire quoi? Pour revenir au moment. Hein? Pour trouver une autre occasion. Akamwacha ili arudi tena kwa wakati ambao itakuwa ni wakati mzuri. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Eve? Lakini nini lipitikana pamoja na Eva? Elle ne s'est référée à aucune source. Yeye hakuangalia chemchemu yoyote. Déjà les références des Écritures, disons, qu'elle a prises, elle les a pris avec des erreurs. Aliitoa pamoja na makosa ndani. C'est pourquoi connaissait la parole. Na ndio maana mjue neno. Elle a pris les références avec des erreurs. Alitoa aliangalia vitu ambavyo vinakuwa na makosa ndani. Et quand vous faites ça, na unapofanya hii, vous allez vous écrouler. Utaanguka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Eve? Sababu gani Eva? Tu fais ça? Unafanya hivi? Eve a un problème. Eva na shida. Elle n'a pas beaucoup d'égards à ses sources. Haangalie sana. Vous voyez, chemichemi zake. Vous aurez difficile à vous référer à vos sources. Unone itakuwa vigumu kwako kuangalia mfano kwa chemichemi zako. Si vous ne les connaissez pas bien. Kwanza kama hauzijui vizuri. Deux. Ya pili. Si vous les aimez pas. Kama hauwapendi. Trois. Ya tatu. Si vous ne le respectez pas. Kama hauwaheshimu. Et quatre. Na ya nne. Si vous n'avez pas d'égard. Kama hauna heshima. À ses sources. Kwa chemichemi hizo. Quand vous allez dans l'autre religion voisine, unapoenda ndani ya ile ingine dini if you this jirani wanawaambia leur livre kitabu yao vous ne pouvez pas les transporter sous les aisselles hauwezi kuitia chini ya makapu hapo naibeba parce que c'est leur référence sababu hiyo inakuwa kielelezo yao pourquoi sababu gani ça sent ici hapa kuna nukaka sinjo mnatia kama parfait pion pion pion na mnaweka barasi juu isi et pour eux quand ils nous voient porter notre Bible comme ça, vous voyez, frère et sœur. Mais tu peux avoir égard au matériel sans avoir égard au contenu. Il y a des gens qui ont égard kuna watu ambao wanaheshimu à la croix de Jésus-Christ msalaba wa Yesu et il apporte na wanaiva soit ici soit au cou naweza kuwa kwenye shingo ama parfois il met ça dans la maison mara wanaweka ndani ya nyumba mais quel est l'effet de la croix de Christ lakini nini dans la maison ile msalaba wa Kristo unafanya nini ndani? C'est pour chasser les démons? Inafukuza mapepo? C'est pour jouer quel rôle? Ni kwa ajili ya kufanya kazi gani? Quel est le contenu de la croix de Christ? Nini inayokuwa ndani ya msalaba wa Kristo? Voyez quelqu'un qui porte même les bijoux avec la croix, posez-lui la question. Quel est le contenu de la croix de Jésus? Ule mtu ambaye anavala chapuli ambayo inakuwa na msalaba unamuuliza nini inakuwa ndani ya damu? Na mimi sijui. Ndani ya msalaba wa Yesu. Il va te dire moi-même je ne sais pas. Et s'il connaît grand chose, il va dire alikufaka. Na kama anajua vitu vingi, anakuambia amekufa msalabani. Eh, natosha. Sasifi. Quel est le contenu? Nini inayokuwa ndani? De ta référence. Ya kielelezo chako. Qu'est-ce que tu sais? Unajua nini? De Dieu. Juu ya Mungu. Or, c'est l'égard à nos références, à nos sources, c'est notre égard à ces sources-là qui va nous pousser à nous y référer lorsque nous faisons face à la tentation, à la sollicitation, lorsque nous faisons face à une épreuve, à une difficulté. Pourquoi tu cours chez les conseillers voisins au nord, au sud? Et que cette personne te dit tout de suite, je connais une maman. Hivi mtoto wako anagonjwa hivi. Mimi najua mama moja. Yeye anafanyanga. Anafanyaga. Elle fait quelque chose. Pourquoi elle t'amène chez la maman Moyana Fanyanga? Elle a beaucoup d'égard à cette source-là. Et toi, tu es chrétien ou chrétienne. Quel est l'égard que tu as de tes sources? Parce que si celle-là te présente, ses sources, et la source est le féticheur du coin, c'est le sorcier qui est derrière la maison, il a beaucoup d'égard à ça. Et toi tu as égard à qui? Connaître nos sources, aimer nos sources, avoir égard à nos sources, va nous permettre de sortir du carcan de la désobéissance. Nous allons nous y référer à l'aise, librement. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Demande à ses voisins qui sont à côté de toi. Uliza jirani ambaye yuko pembeni yako. Qui sont tes sources? Chemchemu zako ni nani? Répondez-lui, répondez à la question. Il a répondu. Amejibu. Deuxième question. Swali la pire. Quel niveau d'égard tu as envers tes sources? Una ngazi gani ya heshima mbele ya chemchemu zako? Le niveau, le taux, ngazi. Le taux. Mbona hamuobeiri hata na kuina tuko naongea obeisance. Vous n'obéissez même pas alors qu'on est en train de parler de l'obéissance. Hey! Donc on va rester dans ces sujets jusqu'à la fin de la semaine alors. Tutabaki sasa ndani ya mada hadi mwisho wa wiki. Bwana sifiwe. Amen. Demande-lui. Muulize. Quel est le taux? Ni nini ngazi? Le taux de ton égard. Ngazi ya heshima yako. Envers ta source. Kiwango cha heshima yako mbele ya chemichemi zako. Parce que si ton taux c'est 0.5, sababu kama le 99,5% va peser sur le reste. Kiwango chako inakuwa ni 0.5 ile inayobaki 99.5. Il faut que ton taux de gare à tes sources soit suffisamment élevé pour que tu t'en réfères. Kikuwe kikubwa sana ili uangalie kwa chemchemu zako. Vous savez pourquoi il y a des rébellions dans les églises? Unajua sababu gani kuna uasi kanisani? Il n'y a pas d'égard aux sources. Hakuna heshima mbele ya chemchemu. Sasa mtu amekuombea, amekufanya mtumishi. Quelqu'un a prié pour toi et t'a consacré, tu es un serviteur. Tu n'as pas d'égard avec lui. Na kisha wewe umheshimu. Après? Na kisha? Et qu'est-ce qu'il croit là, Dieu? Yeye ana waza nini? Ouf. Atoke pale. Ah, kisa naye. Uko mtumishi eh? Nani alikutia mikono? Qui t'a consacré? De mikono ni Mungu mwenyewe atiaka mikono bwana. C'est Dieu qui consacre. Alléluia. Eh. Sawa. OK. Tu vas te couper de ta source. Utajikata kwenye chemchemu yako na utadumia. Tu vas partir avec les mêmes rébellions, les mêmes désobéissances. Utenda tu vas aller engendrer une famille de rebelles. Na utenda kuzaa jamaa ya wasi. Ne t'étonne pas. On va te frapper les rebelles que tu vas engendrer. Parce que dans tes entrailles spirituelles, il est rempli rébellion. Il est rempli désobéissance. Tu vas engendrer. Dieu dit à la création, il créa les chèvres selon leur espèce. Il créa les arbres selon leur espèce. Et il dit à chaque chose, reproduisez-vous selon votre espèce. Il y a des mamans ici. Levez les mains. Ok. Maman, moi, je suis à la... Kitoto ya kuku asimama. La maman qui a déjà accouché un poussin, qu'elle se manifeste. Simam. Lève-toi. Hakuna. Parce que vous ne pouvez que vous reproduire selon votre espèce. Unapasha tu kuzaa aina ya mbegu. Si ule ni mtoto. Lui là c'est un enfant. Ni mtoto hein. C'est un enfant. Aiko kuku. C'est pas un poussin. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Avoir égard à nos sources. Kuheshimu chemchemu zetu. Nous permet. Inaturuhusisha. D'être fort. Tuwe na nguvu. Dans l'obéissance. Ndani ya utiivu. Ça pèse dans notre esprit. Inakuwa kabisa na uzito ndani ya roho yetu. Notre source a de l'espace dans notre esprit. Chemchemu yetu ina nafasi ndani ya roho yetu. Et quand nous devons décider, na wakati tunapaswa quand nous devons faire quelque chose, wakati tunapaswa kufanya kitu, c'est que nous avons dans notre esprit comme égard envers lui. Ile ambayo tunayo ndani ya roho yetu comme connaissance envers lui. Kama vile ujuzi comme amour envers lui. Kama vile upendo mbele yake. Ça va nous donner l'énergie pour obéir. Itatupatia nguvu kwa kutii. L'énergie pour nous y référer. Itatupatia nguvu ili tuangalie hapo kielelezo. Amen. Amen. Qui sont d'accord avec ça? Wangapi wanakubaliana na hii? Qui ne sont pas d'accord? Wangapi hawakubaliane? OK, si tu n'es pas d'accord, c'est ta faute. Kama haukubali ni kosa lako. Troisième source de la désobéissance. Chemchemu ya tatu ya uasi. Le mauvais usage de ton libre arbitre. Ni matumizi mbaya ya uamuzi wako huru. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Le mauvais usage matumizi mbaya de ton libre arbitre. Ya uamuzi wako huru. Le libre arbitre, Wamzihuru, je l'ai dit hier, nilisema jana, c'est ce facteur que Dieu a déposé dans l'humanité, dans la vie de l'être humain, pour rendre agréable la vie humaine, pour rendre possible d'être heureux. Le libre arbitre, Wamzihuru, c'est cette clé qui nous permet d'aimer Dieu et de haïr le diable, qui nous permet d'y aller ou de ne pas y aller, qui nous permet de rester à la maison aujourd'hui ou d'aller au travail. Le libre arbitre, c'est ce phénomène que Dieu a installé dans l'homme. On pourrait dire ce système d'exploitation, que Dieu a mis dans l'être humain pour rendre possible le bonheur. Parce que sans la liberté, il n'y a pas de bonheur. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors sans la liberté, il n'y a pas de bonheur. Même dans le foyer, hata ndani ya unyumba, si ton mari n'est pas libre, kama mume wako haiko huru, il ne sera pas heureux. Hata kuwa mwenye heri. C'est-à-dire si la femme le contrôle de A à Z. Ni kusema kama mwanamke anamtawala mwanzo hadi mwisho. Contrôle. Surveiller. Anamchunguza mwanzo hadi mwisho. Arudia koti kulisha kwa hipusiera hapa. Anasema ulisegemea wapi? Utasema leo. Lorsque tu rentres, il y a une poussière sur la veste, elle commence à demander. C'est où le coin à segemea? Apa, il n'a pas choqué kibambazi. Il n'est ni ambi. Il n'est kibambazi à rouge. Il y a nyumbaga. Tu t'es appuyé sur un mur. Ça, c'est quel mur? Hein? Le mur de quelle maison? Est-ce que vous voyez ça? Non, aïe. Cet homme bientôt cessera d'être heureux. Où mon homme? Basi ana ta droit ya kusegemea kukibambazi ya kubiro yake sasa iko naongea na bahasha yake. Il n'a même plus droit de s'appuyer sur le mur au bureau lorsqu'il parle avec les agents. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Alors le libre arbitre est précieux. Sasa uamuzi huru inakuwa ya muhimu. Indispensable. Inakuwa ya muhimu. Pour rendre ta vie agréable. Ili maisha yako yawe mazuri. J'ai dit hier nilisema que ce qui fait d'un homme un homme efficace et important, ya kwamba inayomfanya mtu ce n'est pas le gros moi, sio mimi kubwa, mais c'est quoi? Lakini ni la conscience de la présence des autres des êtres humains. Ya uwepo ya wanadamu wengine. Vous avez retenu ça hier? Mulishika hii jana. Combien ont retenu ça? Wangapi walishika? La conscience Zamiri de la présence des autres. Ya uwepo ya watu wengine. Les autres êtres humains. Watu wengine. Le libre arbitre Wamzihuru va nous donner la liberté. Itatupatia uhuru. Parce que sababu la conscience Zamiri de la présence des autres êtres humains ya kuwa kwa watu wengine déterminera itaonyesha la limite de notre liberté. Mupaka wa uhuru wetu. Je répète. Narudilia. C'est la conscience ni zamiri de la présence des autres êtres humains ya uwepo ya watu wengine qui te permet ambayo inakuwezesha ou qui définit ama inaonyesha consciemment ou même inconsciemment uwe na zamiri ama bila zamiri le terrain de ta liberté. Uwanja wa uhuru wako. Et la présence des autres na uwepo wa wengine inclut aussi la présence de Dieu. Ina ingiza ndani la conscience de la présence de Dieu autour de toi va permettre que tu définisses où sont tes libertés. Ujue ya kwamba uhuru wako uko wapi. Et dès l'instant où tu perçois ambapo unaona l'espace de ta liberté, nafasi ya uhuru, tu es alors heureux. Sasa hapo unakuwa mwenye heri là-dedans. Umondani. Qui ici ce soir nani hapa jioni ya leo sont heureux wangapi hapa wako na furaha lorsque constate wakati que les gens sont choqués par toi ya kwamba watu wanakuazika na wewe una furaha ese tia maintenant leo wanakuazika kwe leo mulio balikuazika ils sont choqués leo ni libakwaza aujourd'hui je les ai choqués. Levez la main si c'est vous. Nyosha mkono kama ni wewe. Mais qui est heureux? Lakini nani anafurahi? Dans cette salle. Ndani ya mkutano huu. Qui à un moment donné se rend compte que les gens sont heureux grâce à lui. Ya kwamba watu wanafurahi kupitia yeye. Levez la main. Nyosha mkono. Ni ba moya tu. C'est quelques-uns. Hein? Quand tu constates unapogundua que grâce à toi, ya kwamba kupitia 10 wewe, personnes sont contents, watu kumi wanafurahi, ça te donne inakupatia, le bonheur. Inakupatia furaha. Or, comment tu es arrivé à faire ça? Namna gani umefikia hiyo? Tu as exercé ton libre arbitre umetumia uhuru wako à produire ces résultats-là. Kuleta ile matokeo. Vous êtes toujours là? Ungali hapa. Alors, quel est le problème avec le libre arbitre? Ni shida gani ambayo yuko pamoja na uamuzi huru? Seront efficaces. Watakuwa wenye nguvu. Seront efficaces. Watakuwa wenye nguvu. Les hommes et les femmes. Wanaume na wanawake. Dont le libre arbitre. Ambao uamuzi wa uhuru. Est bien documenté. Inakuwa inatafuta ujuzi. Inajaa ujuzi. Inajaa ujuzi. En fait, kweli, notre libre arbitre uamuzi huru wetu coule à gauche inatiririka kushoto en fonction de la connaissance que nous avons par rapport à ça. Kufuatana na ujuzi ambao tunao. Coule à droite kufuatana na hiyo. Sur base de la quantité de connaissances que nous avons par rapport inatiririka à kuume kufuatana na ujuzi ambao tunao. Les personnes qui utilisent bien leur libre arbitre, ce sont les personnes qui sont bien éduquées, ni watu ambao wameadibishwa vizuri, des personnes qui sont bien instruites, ni watu ambao wamefundishwa vizuri. Lorsque tu es bien instruit, wakati umefundishwa vizuri, l'instruction que tu as, mafundisho ambayo unayo, influe inakuwa inashawishi sur tes choix, uchaguzi influe inashawishi sur ta liberté, uhuru wako influe sur les décisions que tu prends, inashawishi hata maamuzi unayochukua. Quand tu n'es pas instruit, wakati wewe haukufundishwa, le vide d'instruction ile kukosekana que tu as ya mafundisho ambayo unayo influe sur les décisions que tu prends, sur les voies que tu prends, les orientations que tu prends. C'est pourquoi dans notre société aujourd'hui et même ancienne s'est développée la stratégie du lavage des cerveaux. Kuna kuwa mbinu ya kusukua akili ambayo umekomaa. Pourquoi les dictateurs, les méchants, les religions malsaines, tous ces groupes de terroristes que vous connaissez, pourquoi ils utilisent beaucoup le lavage des cerveaux? Parce qu'ils savent que s'il y a une bonne quantité d'informations, de connaissances, des inputs dans la tête, même si tu dis à cet homme, à cette femme, allez, kouyapa, viens ici, allez, chinjaye, égorge-lui. Les instructions, la connaissance, l'éducation qui est dans sa tête, à pas y a ongea bia kiroho. Ici, je n'ai pas encore parlé des choses spirituelles. Est-ce que manipata? Est-ce que vous me captez? Ce n'est pas encore kiroho. C'est pas encore. C'est juste la, ton instruction, ton éducation. Va te dire, attends. Itakwambia ngoja kwanza. Tu dis quoi? Unasema nini? Ay, coupe lui la tête. Mkate kichwa. Non. Apana. Joseph dit à maman Apo. Yusufu anamwambia mke wake na Potifari. Oh, maman Poti. Joseph lui répond. Youssef wa namjibu. Il dit, mais comment? Qu'est-ce qui influe sur son libre arbitre? L'éducation, l'instruction, la connaissance, ujuzi, les informations dans sa tête. Mais c'est la femme de mon boss. Comment? Oh non, je t'aime, tu vois, tu es jolie, boite. D'accord, c'est Katale. Mais c'est la femme du boss. Et Joseph lui dit, attends, ton mari m'a donné pouvoir sur tout, sauf sur sa femme. Ça vient d'où cette phrase-là? Des inputs dans la tête de Joseph. Maintenant, si Joseph passait par les lavages de cerveau, ça dit que toutes ces informations, on les a balayées dans sa tête. Dans des camps de concentration. On s'efforce que depuis l'enfance de l'enfant, on ne mette pas des informations utiles pour lui. On inculque dans l'enfant des informations néfastes pour la société, des informations bizarres. Conséquence. Le libre arbitre de cet enfant va fonctionner sur les bases qu'on a mis dans la tête. Vous savez pourquoi? Le diable travaille beaucoup pour t'empêcher de lire la Bible. Il applique le même principe, lavage de cerveau. Il te lave le cerveau pour que quand il va glisser sa tentation, tu n'as pas d'argument. Écoutez, Jésus, en Israël, tous les enfants passent par l'école de formation rabbinique. Jésus est passé par ça aussi. Et Jésus a toutes les informations nécessaires. Et même à plus de ça, en tant qu'humain, il a ses inputs. De sorte que lorsque la tentation arrive, Jésus sait appliquer son libre arbitre, appuyé sur la connaissance qu'il a. Demande au voisin. Quelle est la connaissance que tu mets dans ta tête? Ta tête est remplie de quoi? Vous voyez? Non, non. Certains passent beaucoup d'heures à la télévision. J'ai posé la question à ceux qui suivent la série actuelle. Je ne sais même pas c'est quelle série. C'est quoi la série actuelle, c'est laquelle? Qu'est-ce que cette série-là t'aide? À quoi ça t'aide dans la recharge utile pour ton libre arbitre? Aujourd'hui, quand vous regardez certains dessins animés, on vous montre, on bourre les enfants des films qui montrent des trucs, les gens qui naviguent sur les lungo, sur les balais. Et puis les enfants, à longueur de journée, ils sont remplis dans la tête de ce genre de trucs. Un jour, lorsqu'à l'école, un enseignant lui dit, bon, tu viens, on va aller naviguer sur le balai. L'enfant est déjà préparé. Elle va appliquer son libre arbitre en acceptant. On a fait lavage de cerveau par des télé. Dessins animés. Chers parents, Il faut contrôler ce que voient les enfants. Or, les enfants ne sont jamais partis dans la boutique pour acheter ces vidéos. C'est vous qui les avez achetées. Vous avez beaucoup aidé Satan. Satan a kutukuza. Satan commence à te remercier. Il commence à t'adorer. Tu l'as beaucoup aidé. Tu l'as beaucoup aidé. Qu'est-ce que nous mettons dans notre tête? Quelles sont les connaissances utiles? Et quand je parle de libre arbitre, ça s'applique à tous les domaines et tous les sujets de votre existence. Écoutez, ma frère, sœur. Écoutez. Nous devons être remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, comme notre source, il influe sur nous aussi. Mais est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit quand tu vas au marché pour savoir qu'est-ce que tu achètes? Oui, hein. Ça, ça m'en fatigue donc. Suivez-moi un peu. Jana, hier, Uliuza Mizo. Tu as acheté les Mizo. Vous connaissez Mizo? On a joué à Mizo. Nyama Ngurue. La viande de porc. C'est la viande préférée, il semble, non? C'est la viande qui triomphe de tous les animaux. Dans les marchés. Ah, hier, tu es parti au marché. Tu as acheté miso. Tu as préparé pour ta famille. Demain, tu vas au marché. Quand tu arrives au marché, tu vois plusieurs propositions. Ton libre arbitre va travailler, non? Qui te dit de choisir à gauche ou à droite? C'est le Saint-Esprit. Et quand tu arrives devant les tables, ah, tu vois encore miso. Miso. Tu prends. Unachukua. Curieusement, toute la semaine, tu prends toujours miso. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ton libre arbitre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pousse? Quand tu arrives au marché, tu sens le Saint-Esprit tourner ta tête, tu regardes ici, il tourne la tête là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est toi. Mais comment tu peux changer d'achat après deux ou trois jours? La connaissance que tu as de ce que c'est que la viande de porc avec ses graisses, malgré la réponse de la bouche. Vous savez que le sucre est très délicieux, non? Qu'est-ce qui fait que tu mets une cuillerée et non pas 6 et 7? Pourquoi tu mets une seule cuillerée? Qu'est-ce qui vient dans ta tête? Tu viens de mettre pain. Et puis tu veux encore prendre quelque chose, dit hein. C'est le Saint-Esprit. Ce sont les informations que tu as dans ta tête. Que si tu prends trop de sucre, demain là, tu vas commencer à uriner à tout moment. Est-ce que vous me captez? Donc, la bonne connaissance, la bonne instruction est très importante pour préparer l'efficacité de notre libre arbitre. Je vais même aller loin pour dire, mets tes enfants dans de bonnes écoles. Weka watoto wako ndani ya mashule nzuri. Parce qu'il en va sababu de leur efficacité, l'efficacité de leur libre arbitre prochainement. Nguvu ya uamuzi huru wao kesho inalingana na hiyo shule. Quelqu'un dit amen. Kuna mtu anasema amina. Si museme amen ya bien. Dites un bon amen. Mettons les enfants dans de bonnes écoles. C'est vrai que dans certaines bonnes écoles, il y a le mal aussi. Mais c'est le mal au plan spirituel. Au plan spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne connaissance dans toutes les matières. Parce que notre libre arbitre s'applique à toutes les matières. C'est-à-dire la bonne connaissance biblique. Est-ce que tu lis ta Bible? Voilà, c'est beau quand on a ça dans l'église. La bonne connaissance biblique. La bonne connaissance sociale, la bonne connaissance scientifique. Vous voyez pourquoi certains enfants, ils vous reviennent pour vous dire, tu sais papa, moi ma passion c'est... Ma passion c'est le foot. Ou basket. Parce que cet enfant passe tout son temps à regarder le basket. À la télé, il ne voit que basket. De sorte que les informations sur le basket, il a une grande quantité dans sa tête, de telle manière, quand on lui dit, qu'est-ce que tu choisis comme option dans ta vie? Il dit basket. Qu'est-ce qui vient de dicter son libre arbitre? Le basket qu'il a regardé. Alors, tu exposes tes enfants à quoi? C'est ce à quoi tu les exposes qui bientôt va constituer leur vision de la vie, leur ambition de la vie. C'est pourquoi attention aux séries. Quel risque d'être les ambitions de ta fille? Être la fille là qui est dans le film. La manière dont elle pleure quand les garçons la déçoivent. Quelle est ton ambition, ma fille? Je vais défendre les sœurs qu'on pénalise dans leur foyer. Si ton téléphone là, les WhatsApp, Facebook et tout ça. Vous savez, je réfléchissais ce matin, je disais, mais Seigneur, attends. Si chaque archois, parce qu'on vient de dire, il faut aimer votre source. Et chaque archois pense que sa meilleure manifestation de son amour à moi, c'est de m'envoyer au moins une vidéo par jour. Sur WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone craque. Et si l'archois pense qu'il a droit à une bonne réponse à son amour par l'amour de son pasteur, et que le vrai amour de mon pasteur c'est de répondre, ne fût-ce que dire, ah j'ai vu ça. N'est-ce pas, quelquefois il vous arrive de dire, pasteur, je t'ai envoyé, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. Maintenant regardez, tu m'envoies la vidéo sur le discours du président à IPAC aux États-Unis la fois dernière, parce que ça t'a fait du bien. Or, on a distribué ça chez tout le monde. Et comme tout le monde aime les pasteurs, tout le monde envoie ces vidéos au pasteur. Et il reçoit ça 3000 fois. Dans 30 minutes. reçoit ça 3000 fois. Ou 5000 fois. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous devons gérer les choses que nous apportons dans notre tête afin que l'exercice ou l'apport de notre libre arbitre soit rendu efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu as besoin d'être efficace dans ta vie, efficace dans la gestion de tes enfants, efficace dans la gestion même des décisions que tu prends au boulot. Ces décisions seront efficaces à la mesure des inputs que tu as. On a dit aujourd'hui que c'était professeur primaire ou etc., secondaire ou etc., ou université, ils enseignent aujourd'hui, moins certains, avec les notes qu'ils avaient eues au cours à l'Unikin ou à l'Ovanium, à 1963. Njo ile karatasi ngao nafundisha 2020. Conséquence, la capacité de nos étudiants de penser correct, en fait, de prendre de bonnes décisions, ou mieux, d'exercer leur intelligence, leur quotient intellectuel et capacité, si les choses efficaces, si les choses importantes, si les choses... La capacité est chini. Et ça vient même dans le leadership du pays. Tu es ministre, tu es, c'est pas n'importe qui, tu es waziri, chef de quartier ou chef de groupement ou quoi là. La qualité de l'instruction, de l'éducation que tu as eu, avec des déficits, c'est avec cette qualité-là que tu prends des décisions. Résultat, la nation. Bas. Et puis nous disons, Dieu seulement. Vous voyez le niveau du dégât. Le libre arbitre. Frère. Ndogo. Ta foutia libre arbitre yako. Kulisha libre arbitre yako. Nourri, cherche pour ta ton libre arbitre. Cherche. Et dans tous les domaines. Ne te limite pas juste dans un domaine que tu as. La vie n'est pas faite seulement d'un seul domaine. Il y a plusieurs domaines que tu vas rencontrer dans ta destinée et dans lesquels tu seras obligé de prendre une décision. Mais qu'est-ce qui va influer sur ta décision? Amen. Donc, il faut qu'on termine ce chapitre. Vous allez me donner un peu plus de temps supplémentaire. Mais si vous voulez, on arrête ici. Mais nous prenons le quatrième. Dans ce troisième, prenez l'exemple de Amnon. Le fils de David. Mwana wa Daudi. Dans 2 Samuel 13. Ndani ya kitabu cha 2 Samuel 13. Samuel wa pili 13. Amnon c'est le fils de Amnon ni mtoto wa il tombe amoureux de sa sœur. Amnon ni mtoto wa Daudi na anapenda dada yake. Il tombe malade. Na kisha anagonjwa. Cha. Unagonjwa même. Jusqu'à se tomber même malade. Et puis son ami vient. Et j'ai l'impression que tu es malade. Oui, je suis malade. Si tu savais, ma soeur là, ah, elle a mal au cœur. Son ami lui dit, mais moi je peux t'aider. Qu'est-ce qui se passe avec Amnon? Quelles sont les données dans sa tête? Et Tamar lui rappelle, lorsqu'il veut la violer, il dit, mon frère, ce genre de choses ne se font pas en Israël. Elle a les informations à les donner, à l'instruction qui lui fait dire, ceci n'existe pas. Un être humain ne peut pas décider des choses pareilles. Et le gars dit, non, je vis, et puis où? Quel est le problème de ces garçons? Les difficultés là-dedans. Il a des difficultés. Seigneur, aide-nous à recharger. Bwana tusaidie kupakiza. Aimez l'instruction, mes frères. Mafundisho, ndugu zangu. Est-ce que vous savez que c'est plus facile de diriger une église, kuongoza kanisa, des gens qui sont intellectuels, ya watu ambao wanakuwa na akili sana, wasomi. Parce que quand vous leur dites au-dessus de ceci, sababu unapoambia tunamua hivi, leur libre arbitre comprend. Uamuzi wao huru unaelewa. Mais les autres, lakini wengine, ils vous disent, wanakuambia, le pasteur a dit, mchungaji, mais je vais d'abord aller prier. Lakini tenda kwa za kuomba. Pour que ni fanye nini nipate ndoto. Et pour que j'aie un songe. J'ai beaucoup prié. Dieu m'a montré. Maintenant, ta vie commence. Celui qui a l'instruction, déjà les données qu'il y a dans sa tête là, les données qui sont là, l'aide déjà prend la décision à safari. Oui, on garde la pique à ma gauche. Il commence le voyage. Toi, tu continues à te mettre à genoux pour chercher les rêves. Jour doit fonctionner. Et pour que les dons commencent à fonctionner. Mais quand vous avez une église des gens qui sont instruits, ça tourne. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Je vous assure. Prenons D. La démangeaison de sortir de ta source. Unajisikia kama unawashwa utoke ndani ya chemchemu yako. La démangeaison. Unasikia kama unasumbuka. De sortir de ta source. Inaomba tu utoke ndani ya chemchemu yako. Entraîne les gens dans la désobéissance. Inaleta watu wanaingia ndani ya uasi. Nous avons dit premièrement quoi qui nous aide dans la désobéissance? Nini ambao inatupeleka ndani ya uasi ya kwanza? Eh? Le moi, promotion du moi. Deuxièmement, mimi ya pili. Hein? Ignorer ses sources. Troisièmement, mauvais usage du libre arbitre. Quatrièmement, la démangeaison de sortir de ta source et de dépendre de toi-même. Ce point ici, vous allez me dire, bon, attends, pasteur, attends. Parce qu'il y a dedans une sorte de séduction, entre guillemets, à la maturité. Les gens pensent que la maturité signifie indépendance. Ya kwamba kukoma inamaanisha usitegemee mtu yeyote. Mimi nisha komala. Moi je suis déjà grand. Je dépends de personne. Mimi si tegemee tena mtu. Nisha komala. Je suis déjà grand. Niachi. Laissez-moi. Souvent les gens mara watu qui vit dans ce sentiment de nisha komala muniache wanaoishi ndani ya hii s'expose sema mimi nimekoma muniache à la désobéissance wanakuwa wakijiweka mbele. Parce que quand on va te dire fais ceci, sababu atakapokuambia fanya hivi, et ce sentiment na hii hisia malsain mbaya est accompagné inasindikizwa d'une sorte de tendance na ina moja à trouver que ya kuona kwamba si je fais ce que quelqu'un d'autre me dit de faire, nikifanya ile ambayo mtu mwingine ananiambia nifanye, c'est humiliant. Inakuwa kabisa kunipatisha haya. Vous avez déjà eu ce genre de sentiment? Mmeshapata hisia kama na hizi? Non. Mie baba mkubwa hivi. Un grand papa comme moi. Baba mzima hivi. Un grand papa comme moi là. Sao. OK. Dans Proverbe. Ndani ya Mezali. Chapitre 22, verset 6, il est écrit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il s'en détournera nullement. Est-ce que vous constatez dans cette phrase-là, vous connaissez dans cette phrase-là que même ce que tu penses que tu es déjà grand et que tu dépends de personne n'est pas vrai. Parce que tu dépends de ce en quoi on t'avait instruit. Chère maman, vous avez des enfants qui apprennent eux-mêmes. Comment marcher? L'enfant voit comment les autres font et l'enfant essaye de se soulever aussi. Si tu as peur dans la vie de faire quelque chose parce que les autres ont dit, tu ne feras rien dans la vie. Parce qu'il n'y a rien que tu vas faire qui n'existait pas. Tout ce que tu essaies de faire a déjà été fait. Je parle à quelqu'un. Regardez dans les couples. Beaucoup de maris ne supportent pas de faire quelque chose que leur femme a dit. Parce qu'ils trouvent que c'est humiliant. Cette femme-là va croire que c'est elle qui me dirige ici. Ule mwanamke atanza waza ya kwamba yeye ndiye ananitawala hapa. Wa papa oh. Va papa. Va baba. Va papa ou. Va baba muko. Mbona mnaficha masauti? Nyenye njo baba. Si tusikie masauti ya kibaba sasa. Bwana sifiwe. Amen. Comment je vais diriger par la femme? Namna gani nitatawaliwa na mwanamke? Même quand il a donné une bonne idée. Hata wakati amepana wazo nzuri. Le malheur de cette idée, c'est que l'idée vient de sortir de la bouche de la femme. Pourtant, c'est la bonne idée pour votre famille et votre couple. Mais comme malheureusement l'idée est venue pour la première fois de la bouche de la femme, cette idée-là ne passera pas. Tu vas te contenter, te cramponner à faire autre chose pourvu que tu n'aies pas fait ce que ta femme a dit. C'est vrai. Nikweli. Hein? Et les femmes qui considèrent na wanawake ambao wanaona qu'elles sont instruites ya kwamba wanafundishwa. Et puis elles viennent de bonnes familles. Na kisa wanatokea ndani ya majamaa nzuri. Et puis na kisa na kisa. Okay, il faut pas que le mari prétende que il me dirige. Hayombe kwamba mume aanze kufikiria kwamba ananitawala. Et quand le mari dit fait ceci, nous allons faire cela. Ama tutafanya hivi. Ça marche difficilement parce que c'est le mari qui a dit. Aujourd'hui, il y a une forme de guerre dans les couples. À cause de cette affaire de parité. Et puis une démangeaison. Nous parlons de démangeaison. Hein? De sortir de sa source. Cette affaire, ces vents de parité est venue s'aimer dans la plupart des femmes. Bon, sauf vous les archoises. Hein? C'est pas vous, quoi. C'est pas vous, hein. Sio nyinyi. A semé dans la plupart des cœurs de femmes les sentiments ici que ya kwamba si nyinyi jama nyinyamazie. Peut-être je dois me taire. Mutani frappé. Mutani piga. Si le huit ilikuwa jana dimanche. C'était le dimanche. Vous êtes parti faire le défilé où? Ça sème dans la conscience ou même dans le subconscient de la femme un sentiment ou une démangeaison de diriger le foyer. C'est ça, mon attaque est frappée. Maintenant, vous voulez me frapper. Parce que c'est vrai. Analyse seulement ton cœur, tu vas voir que je dis vrai. Les femmes aujourd'hui ont le sentiment que le bon mari, c'est celui qui s'assoit et dit au mari, toi dirige. Et dit à sa femme, toi dirige. Ça c'est mon mari, c'est un bon mari. Lui, il me laisse diriger le foyer. Ah, je suis heureuse parce que mon mari me donne de diriger la famille. Le papa, je dis vrai. Papa, oh. Est-ce que c'est vrai? Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Vous savez pourquoi je parle de tout ça? Nous sommes en train de parler du ciel ouvert. Et nous essayons de déchiffrer, de décrypter toutes les choses qui risquent de nous empêcher de bénéficier du ciel ouvert. Et tu peux rester en train de réclamer Mungu fungula mbingu, fungula mbingu, fungula mbingu, mais tu es assis ou tu es assise dans des choses bizarres. Et ces choses bizarres t'empêchent de voir les ciels s'ouvrir. Et tu reviens pour dire, pasteur, il faut prier pour moi supplémentaire. Parce que les deux semaines viennent de finir. Moi, je ne vois pas encore clair. Or, tu n'as pas compris certains détails. Je vous ai parlé de l'illumination. Qu'il illumine la révélation. Qu'il illumine les yeux de mon cœur. Afin que je pénètre dans la vérité que j'ai rencontrée. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Alors, la démangeaison de sortir de sa source. Cette démangeaison est poussée par quoi? Premièrement, par la confiance excessive en soi-même. Tu as une confiance excessive en toi-même. Elle est poussée aussi par le gros moi dont nous avons parlé au début. Alléluia. Amen. Elle est poussée ou stimulée également pia par la appelons ça la volonté de ne dépendre de personne. Vous avez remarqué que jusqu'ici, je ne parle pas des esprits. Hein? Parce que dans la vie chrétienne actuellement, parfois nous échappons aux vraies cibles en accusant tout de suite les diables. Est-ce que si tu dois avoir une bonne gestion de ton libre arbitre, le diable a faire quoi là-dedans? Kama unapaswa kuongoza vizuri uamuzi wako huru, shetani anakuja fanya nini humo ndani? Il y a des choses, kuna vitu qui sont du ressort humain ambavyo vinatokea kwa mwanadamu pour nous faire réussir. C'est pourquoi vous allez observer que certains peuples qui s'en foutent de Dieu, ambazo hazijali Mungu, qui ne croient pas à Dieu, au vrai Dieu, Mungu wa kweli, ils prospèrent parce qu'ils appliquent des choses simples comme ce que nous partageons. Sababu wanatimiza vitu ambavyo viko rahisi kama hivi ambavyo tunazungumzia sasa. Des choses simples. Vitu rahisi. Quand on chante ces cantiques-là, amène-moi aux choses simples, il faut quelquefois mettre point là-bas. Mara, enfin, tunapo, je vais dire deux points. Mara tunapo aux choses simples de point. Maintenant vous mettez tiré. Qui me montre ta grandeur et puis tiré les autres sujets. Les choses simples hein, qui me montrent les autres sujets comme l'obéissance. Les choses simples qui m'aident à devenir obéissant dans la vie. Obéissant à Dieu. À devenir efficace. Les choses simples. Un jour, dans 2 Samuel 15, verset 1er et suivant. Le fils de David, Absalom, est touché par cette affaire de démangeaison de sortir. Et la Bible dit qu'il commençait à aller dans les sentiers ou dans les rues. En dehors de la ville. Et quand les gens venaient, ils voyaient que c'est le fils du roi, ils essaient de le saluer avec respect. Et il leur posait la question, vous allez faire quoi en ville? Non, non, j'ai un problème, je vais aller voir le roi David pour qu'il m'aide à me donner guerre de cause. Et Absalom, fils du roi, disait à ces populations qui venaient, si vous allez en ville là, vous n'aurez pas guère de cause. Et puis il dit, qui me donnera l'occasion d'aider ce peuple? Il parle de qui? De son père. De mangeaison de sortir. La démangeaison est définie comme l'envie exagérée de faire quelque chose ou le désir exagéré de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais clôturer pour vous donner quelque chose d'important. Si tu peux écrire, tu vas écrire ça. C'est ceci. Dieu est content de nos actions lorsque nous les faisons avec notre propre volonté. Les choses qui touchent le cœur de Dieu, ce sont les choses qui procèdent de notre volonté propre. Si tu adores Dieu, parce que l'officiant te pousse à l'adorer, même si tu vas bien adorer, ça ne plaît pas à Dieu. L'obéissance est du ressort de la volonté de l'homme. Et Dieu, lorsqu'il a jeté les bases de l'humanité, il a voulu que dans une grande mesure, nous puissions fonctionner avec notre propre volonté. C'est agréable quand tu poses un acte pour Dieu sans qu'on ait été poussé. C'est agréable à Dieu lorsque tu lui obéis volontairement et librement. Si on t'oblige d'aller à l'évangélisation, ce que tu auras fait là ne sera pas agréable à Dieu. Mais si tu vas à l'évangélisation avec le choix de ta volonté, ton cœur veut le faire, au ciel Dieu est content. Pourquoi? Au ciel Dieu se dit, c'est ça le libre arbitre que j'avais placé en eux. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous ai dit hier ou avant-hier, si on te donne une femme robot et on met les programmes d'amour dans ces robots-là, si dans ta tête les choses ne marchent pas bien, tu vas être content de ces robots pendant un ou deux jours. Parce que après tu vas comprendre que ce robot t'aime par programmation. Et Dieu ne veut pas avoir des églises qui l'aiment par programmation. Dieu veut une église qui l'aime par volonté. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Mais nataka Mungu. Dieu cherche un peuple qui lui obéit parce que ce peuple veut obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Quand nous avons des prédispositions de ce genre, des trois ou quatre points que nous venons de partager, et que nous servons Dieu, ça ne va rien donner à Dieu. Même dans nos niveaux de travail, quand vous avez des agents qui font les choses, non pas seulement parce que c'est ça la description du travail, mais ils veulent faire ça, tu seras un chef, un directeur heureux. Parce que tu vas commencer à te rendre compte qu'il faut même certaines choses que tu ne leur as pas dit à de faire, et ils ont bien fait ça. Mais regardez cet agent qui fait les choses mécaniquement sans son cœur. Il a fait une et deux choses. Or, les une et deux choses pouvaient l'entraîner à faire aussi la troisième chose. Mais cet agent, c'est un robot. Quand tu lui dis, mon frère, mais tu aurais dû faire ça aussi, tu connais la réponse de ton agent. Ce n'est pas prévu dans ma description du travail. Mon cher, qui a ma phrase de ville, non? Vous avez déjà entendu de telles phrases? Chef, mon chef, avec tout le respect, cela n'est pas prévu dans ma description du travail. Ok, ce n'est pas prévu. Mais si tu l'aurais dû faire, si tu aurais dû le faire, ça allait amener ce que tu faisais dans tes descriptions du travail. Ça allait amener ça plus haut. Quel est le problème de cet agent? Il obéit par mécanique. Ok, levons-nous, on s'arrête là. Demain, on va prendre un deuxième sujet qui empêche. Que Dieu nous aide à aborder tous les chapitres cette semaine et le jour qui reste. Ok, nous allons prier, frères et sœurs. Ne partez pas avant qu'on puisse prier, s'il vous plaît. On va prier une minute. Levons-nous tous, s'il vous plaît.